Je vous demande de faire un triomphe aux chansons monstres de Monsieur K. J'espère que t'es bien installé, que ça va bientôt commencer. Buvons un rayon pour oublier qu'il y a plein de sang sur le pavé. Quand toutes les erreurs du passé ne sont bonnes qu'à se répéter, que l'on étouffe nos libertés. Ça j'aime pas quand je parle de bailler. Mais oui, mon cœur, le spectacle va commencer. Tu vas bien te régaler, on a tout fait pour. Mais oui, mon chat, bienvenue ce soir en France. Tout est rance, tout dépend de toi. Gros homme de l'humanité, tu es client, tu as payé. Quand tu n'es pas n'importe qui, tu veux du champagne, mon chéri. Entends tous ces gens, j'en ai assez. C'est moi qui commence à monter, qui vient des fenêtres des rues. Quoi, tu veux voir des danseuses nues? Et sans toute cette odeur légère de pneus brûlés, de porc grillé. Oh, pardonne-moi, tu bois ton verre. Je ne voudrais pas te déranger. Mais oui, mon cœur, le spectacle est commencé. Tu vas bien te régaler, on a tout fait pour. Mais oui, mon chat, bienvenue ce soir en France. Où tout est rance, tout est fin de... Maintenant t'as vu, tu veux toucher. Et oui, je sais, t'as des billets. Tu crois que tout le monde peut s'acheter. Va prendre un verre, ça va te calmer. Ah non, tu voudrais que je t'embrasse, que je t'injurie à voix basse. Tu me fais mal, tu vas me lâcher. Ou sinon j'appelle le portier. Là tu t'emportes ton gros cochon. Et que tu me parles de respect, que tu t'en vas de toute façon. Et tu reviendras te venger. Et bon, prends tes clics et tes claques et ton fric et tire-toi, sale type. Dégage. Tire-toi. Quoi, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu sais ce qu'elle te dit, la pute? Mais ouais. Mais ouais. Et toi, tu t'es jamais pris une botte à talons dans la tronche, ça, mon petit père? Bah ouais. Eh ben, reviens avec tes copains en chemise brune. Tu vas voir comment on va t'accueillir ici au cabaret de poussière. Comme ça. Non, tu peux laisser la main, vas-y. Pas trop. On est bien là. Ouais, t'as du champagne? Sympa. Sympa, mon cœur, ouais. Ah, tu veux m'embrasser maintenant? Oh, t'es gourmand, toi. Je sens qu'on va passer une bonne soirée ensemble. Oh! Arrête, tu me titilles là. J'aime pas trop ça. Continue. Je te dis de continuer. Eh ben alors, tu mollis, mon salaud? Pour quelques sous, je déshabille mon âme, mélange tous heureux de douleur et de charme. Et si tu veux, je réinvente l'amour. Mais avant de jouer, faut payer mon amour. À chaque claquement massif de tes doigts, je remue à l'envers, un peu à l'endroit. Main posée sur le cœur, sur les seins, je deviens ton objet, ton jouet, ton chien et ton rien. Je déshabille mon âme, mélange licoreux de douleur et de charme. Et si tu veux, je réinvente l'amour. Mais avant de jouer, faut payer mon amour. Si par la force des choses devenaient ta chose, l'esprit pétri de coups, étincelant d'échymose. Qu'importe, mon corps est une coquille, ma tête un jeu de quilles, ma bouche un mets subtil jusqu'à ce que je me rhabille. Pour quelques sous, je déshabille mon âme, mélange vaniteux de douleur et de charme. Et si tu veux, je réinvente l'amour. Mais avant de jouer, chérie, faut payer mon amour. Quand glissent les dentelles et le fruit sur ma peau, je remue et je hurle, car ce n'est jamais trop. L'instinct de mort s'invite à l'orée des jouissances. L'instinct de meurtre m'habite, envahit tous mes sens. Pour quelques secondes, les habits de mon âme, mélange mystère de froideur et de charme. Et si tu veux, réinvente l'amour. Mais avant de jouer, faut payer mon amour. Et toi, comme si de rien, tu jettes quelques billets. Un petit bonus en plus, tu m'as satisfait. Sans me regarder, j'ai le visage défait. La nuit est un enfer dont je suis la damnée. Pour quelques sous, je déshabille mon âme. Je vois mon cœur, mes mains, mon cul et mes drames. Mais qu'importe au fond, puisque le monde est fou. Qu'importe vraiment. Ce soir, je me suis fait 30 balles. Salut Jérôme. Ça va? C'est bien. Tu m'as reconnu, ouais? De dos? Ouais. Et excellent. Excuse-moi pour le retard. Ah, il n'y a pas de problème. Et je suis mes journées sont remplies. Remplies, très remplies. Bah, c'est bien. Est-ce que tu veux qu'on se mette à l'intérieur? Bah, moi, j'ai déjà commandé, mais avec quoi, t'as froid? Moi, j'ai froid et j'ai faim. Ok. Alors, tu veux qu'on rentre? Ça te va? Oui, il n'y a pas de problème. Mais t'es fumeur? Ouais, je suis fumeur, mais on viendra fumer dehors. Ok, ça te va? Ok, oui. Oh oui, pas de problème. Si je mange pas, je vais... Ah! Non, j'ai demandé un coca. Un coca? Oui. Ça marche. Okay. Pas de soucis, ben ça va être. On vous les donnera à l'intérieur? Oui, c'est moi, ça. J'aimerais vraiment manger. Tout à fait. Ah, on va se placer ici? Super. Ok, excellent. Ok, pas de soucis. quelle semaine. Ah oui, c'est bien. Non, c'est trop. Pendant toutes les vacances, il n'y a rien eu là pendant la période de Noël. Et là, tout le monde est... Voilà, on sait très bien, hein, je suis ravi. Ben oui, tu fais plus d'argent, tu fais plus de sous. C'est qui mange ? C'est moi. Est-ce que ça prend trop de place ou... Non, c'est très bien. Ça range. Ah, c'est des micros ? Oui. Je me demandais ce que c'était. Ah, ben voilà, oui. C'est sa peluche. Est-ce que t'as vraiment, oui. Bon, bah attendez, regardez, je vais vous faire le tri. Je garde ça. Ah, ouais, c'est tout, ça aussi, je me demandais, c'est comme aux échecs. Vous gardez tout, je vais... C'est ça, aux échecs, voyons, on y prend les trois. Sinon, je suis très heureux de te rencontrer. Tu dois travailler quelquefois chez Madame Arthur. Non, je ne travaille plus chez Madame Arthur. Ok. Ça, c'est fini. Ok. Mais anciennement, oui. Ouais, c'était directeur artistique de la réouverture. Et... Tu vas créer un personnage qui s'appelle Monsieur K. Ouais. Pourquoi tu as voulu prendre un personnage et ne pas garder ton vrai nom? En fait, le personnage, il est venu avec déjà une proposition qui existait déjà avant, puisque je faisais du Carl Valentin, qui est un auteur munichois, dans les bars à Orléans. Donc il y avait déjà des choses qui se passaient et Monsieur K est apparu à l'intérieur de ça. Dans un espèce de fantasme... dans un espèce de fantasme comme ça, de personnage à la Joel Grey dans le cabaret, sans connaître ce que c'était le cabaret berlinois, sans rien connaître, parce que j'avais découvert Kurt Weill, tardivement, et j'avais envie de chanter les chansons de Kurt Weill. Pourquoi et... qu'est-ce qui t'inspirait chez lui? Kurt Weill? Tout. Je trouve que c'est... les textes de Brecht et puis avec la musique de Weill et puis le reste aussi du répertoire de Kurt Weill, c'est tellement c'est riche. Improbable. Ouais. Socialement, ça raconte plein de choses que je trouve que c'est très culotté de mettre des personnages de putes et de macros et de bandits et de sagouins en personnage principal d'histoire. Je parle pas que de l'opéra de Katsu, parce que même dans Ma Agonie ou dans le reste, Marie Galante, qui est une pièce française, il y a toujours cette histoire, il y a toujours cette histoire avec les putes et puis la nuit, le rapport à l'humanité. Et donc moi ça m'a touché beaucoup. Et donc à partir de là, il y a ce personnage de Monsieur K qui est apparu dans Carl Valentin comme un espèce de dictateur. J'ai voulu le... Ça me semblait important de chanter des chansons de femmes, parce que j'ai chanté que les chansons de femmes chez Weill, sauf Maki pour faire plaisir aux gens, je me suis mis à faire Kurt Weill. Et en même temps, jouant que dans les bars à Orléans, des bars avec plutôt des bars populaux, on va dire, des cafés quoi. D'avoir décidé d'être en talons, en chapeau de forme, de chanter des chansons de femmes, de chanter ces chansons-là, le personnage de Monsieur K est devenu... je commençais vite à me raconter une histoire sur lui, qu'il était une star, en tout cas un chanteur de cabaret qui aurait mal fini. Et c'est pour ça que la plupart des costumes de Monsieur K, moins maintenant, parce qu'il y a une histoire, étaient tous en lambeaux, que ce soit les vestes ou les pantalons, voilà. Donc je me suis raconté cette histoire et Monsieur K était issu pour moi. Beaucoup plus en fait, il s'est remodelé dans cet univers, dans cette fange, dans ces mots-là, dans cette cruauté. Et puis c'était une période où Kurt Weill, on ne chantait pas vraiment. Moi c'était un enfer pour trouver les partitions à cette période-là, puisque Universal avait retiré toutes les éditions. Pourquoi ? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ça, je pense que c'est des cuisines de cuisine de droit d'auteur, de choses comme ça. Ben oui. Et voilà, on est parti sur ça. Et puis après Monsieur Kay, enfin moi, j'ai commencé à écrire des chansons que j'ai su qu'elles étaient pour lui. Et voilà, et donc du coup, le personnage de Monsieur Kay, il est resté. Et puis moi, ça me faisait du bien aussi, parce que j'étais plutôt un Jérôme très sage et très. Timide Non, pas timide. Conventionnel. Sage, je dirais. Que... Ça t'a libéré. Ça m'a libéré, ouais. C'était un peu mon Mr. Hyde quand même. Ouais. Pendant... Voilà, après on s'est apprivoisé. Moi j'avais fait déjà du drag queen avant. Quand j'ai 18 ans et 18-19, hein, donc j'avais déjà fait ces choses. Mais en fait, tout ce travail sur le travestissement et ce travail artistique d'apprentissage de comédien, que j'ai fait au Conservatoire d'Orléans, des choses comme ça, tout ça s'est réuni dans Monsieur K et en fait j'étais sur un chemin qui me satisfaisait. Ouais, c'était une ligne particulière, on est d'accord, mais c'était quand même une ligne. Comment ça se passe? Ben, interlope, vraiment dans le sens bizarre. Un peu gothique. C'est pas tellement gothique qui me plaisait, c'était vraiment le. Côté obscur. Ouais. Et sauvage. Ouais. La cruauté. Parce qu'il était très méchant, Monsieur Kerr, au départ. C'était très très méchant. Est-ce que tu as peaufiné ton personnage? Il y a eu différents stades. Il y a eu en 2006 la rencontre avec toutes les copines du milieu transpédéguine interlope parisien, avec qui j'ai fait plein de choses, qui m'a ouvert. C'est là où j'ai quitté Orléans. Enfin, j'ai commencé à quitter Orléans en termes artistiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas grand chose à un moment donné. Non, c'est pas ça, c'est qu'à un moment j'avais. Non mais j'aurais pu continuer à remplir les bars. Okay. Mais il fallait. Tu voulais faire autre chose. Tu sentais que tu tournais en rond. Ouais. Moi j'ai toujours considéré que artistiquement, on ne peut avancer qu'en se confrontant aux autres et en allant vers les autres. Pour moi, la rencontre est un moteur, un stimulant pour moi pour avancer. De rencontrer les gens avec qui ou pas je vais travailler, mais de rencontrer d'autres artistes. C'est pour ça que tu fais ça aussi, c'est pour la bien sûr. Sinon bien sûr. Tu serais tout seul dans ton coin et à faire ton personnage. Bah. Être fêlé du cabasson, avoir la cervelle aimantée. Bien confit du citron, mais il est un peu du trollet. Se faire sauter nettement les plombs, avoir la dent une chambre à louer, avoir un trapèze dans le salon, être jobastre en castellet. notre vie se vole au vent. Avoir un cheval échappé, onduler la toiture doucement, être barge ou oser muter. Perdre la boule, être siphonné, être légèrement décalqué. Ma boule cinglée ou bien chibrée. Monsieur, Monsieur K. Oui, puis comme je considère que rien n'est acquis, que tout avance, en se remettant en question un peu, en défiant, on sera en revenant des fois sur ses pas pour mieux avancer. Ouais. Pour moi, la rencontre est importante. Est importante. Donc voilà. Mais qu'est-ce qui t'a fait prendre le crayon et pour écrire tes propres textes, tes propres chansons? C'était plaisant. C'était plaisant, puis à un moment donné, c'était rassurant de savoir que je pouvais... J'ai un rapport à l'écriture qui est particulier. Mais j'écrivais beaucoup quand j'étais petit, puis ça s'est arrêté pour des questions un peu stupides. Mon père qui disait que ça ne servait à rien d'écrire, des choses comme ça. Et en écrivant pour Monsieur K, ça m'a rassuré sur ce que je voulais faire. Après, les premières chansons de Monsieur K, c'est pas du tout comme celles que je chante en ce moment chez Martin Dost, là, le Cabaret de Poussière, qui sont plus construites, où il y a entre un premier jet comme ça, une première envie de faire des choses, de s'entourer avec des gens qui sont talentueux, mais qui sont pas forcément dans... qui n'étaient pas dans l'exacte ligne que maintenant je... fixe sur Monsieur K, mais parce que par exemple maintenant je prends un malin plaisir avec mes comparses quand j'écris des chansons horribles à mettre une musique joyeuse dessus. C'est ou qui à... qui écrit la musique? Ça dépend. Ok. Ça dépend de. Est-ce que c'est le même entourage? Est-ce que c'est la même famille? Ou tu veux changer? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, tu veux renouveler? Tu veux bah oui, oui, bien sûr. Là, par exemple. Chez Martin Dost chante une chanson qui a été mise en musique par Robbie, qui est une chanteuse, je ne sais pas si tu connais. Non. On ne meurt plus d'amour, qui est une chanson que j'ai chantée beaucoup chez Madame Arthur, qui est une copine, que j'aime beaucoup son travail, elle fait plutôt de la pop rock, on va dire. Et elle m'a mis en musique un texte parce qu'on a fait deux résidences d'écriture chansons à Montmartre et que on s'apprécie beaucoup et qu'à un moment donné on a ces possibilités. Donc voilà, c'est une remise en cause. Là j'ai travaillé pour un. pour un photographe qui s'appelle Bogdan Smith, qui a fait une exposition sur, entre guillemets, le cosmos, qui s'appelle Décidération. Il m'a demandé d'écrire un texte, et c'est Victoria qui fait vraiment la musique électronique pour le coup, qui a mis en musique, donc, avec quand même de grandes inspirations, de la musique de Angelo Badalamenti, qui a fait les musiques de Twin Peaks. Ah oui, donc on avait cette inspiration-là. Pour le côté un peu baroque et tout. Ouais, tout à fait. Donc il y a un texte qui s'appelle Cosmos, qui a été mis en musique donc par Victoria. Et qui du coup... Youpi ! Et qui raconte... et qui dévie de ce que je fais habituellement. Mais là, personnellement, je ne pose pas de questions. Je ne vais qu'à des endroits où je sens que je peux aller. Il n'y a pas de fermeture. C'est comme quand... Parce que je l'ai fait beaucoup. Je travaille avec le dessinateur Tom de Pékin, qui m'emmène toujours faire des performances, pas possible. Pas possible, pourquoi, dans quel sens, pas possible, bah, c'est lui qui définit les choses, il me dit bah, on va aller là, donc je dis bah d'accord, on va là. Donc, c'est lui parce que tu veux apprendre, tu veux vivre autre chose aussi. Non, c'est que lui, il a une vision de Monsieur K. Moi, je trouve que Monsieur K n'appartient pas qu'à moi. Il appartient à ceux qui ont envie de le faire vivre. Donc, Il me dit, je vais mettre en chien, tu vas me tenir en laisse et tu vas chanter combien pour ce chien dans la vitrine. Bah, ok. Et en fait, c'est pas plus incongru de faire ça que de chanter des sottises comme je l'ai fait des fois chez Madame Arthur. Okay, avec beaucoup. Enfin, tu vois, j'ai chanté To Be Free, Partir un jour, qui est une chanson absolument sotte, mais version jazzy, nana. Et donc, Monsieur K, il est là, il fait le grand écart. Mais toi, en même temps, est-ce que tu cherches la provocation? Non. Non, j'ai même... Moi, Jérôme Marin, je ne cherche pas la provocation. Monsieur K peut-être un peu plus. Ok, non, ouais, c'est ça le double personnage. Toi, non, mais lui, oui. Oui. Mais comment est venu le maquillage? Parce qu'il est, quand même assez spécifique. Est-ce que ça se modifie ou c'est toujours le même maquillage? Non, il a beaucoup changé. Il va peut-être encore changer. Et comment tu travailles le maquillage? Est-ce que tu places devant ta glace et le soir et tu vérifies si... Non. Le premier maquillage de Monsieur K, c'était du noir sous les yeux uniquement, et avec des marques de coups sur le visage. Et puis... Est-ce que tu peux montrer son côté dur, les marques de coups Oui, bah quand je faisais Corbeil, c'était parce que quand même je chantais des chansons de femmes qui se faisaient quand même taper la gueule. Et que je trouvais qu'il avait un côté un peu petite frappe. Et donc voilà. Et après, le maquillage chez Madame Arthur, évidemment, il a pris d'autres couleurs. Parce qu'on a eu aussi la chance de travailler avec des gens de chez MAC, dont Tom Sapin, qui est un maquilleur formidable. L'écart défini, le maquillage de Monsieur K, avec des gouttes. C'est le maquillage avec plein de bleu et des choses comme ça. Ouais, voit qu'il est un peu plus raffiné. Maquillage est plus raffiné. Et moins brut. Oui. Et là, le dernier maquillage rouge, il est venu d'un moment donné où j'avais plus le temps de prendre le... Parce qu'à gérer tout, en fait, j'avais plus le temps de faire de maquillage aussi compliqué. Aussi sophistiqué, ouais. Et j'ai eu cette idée, justement, qui m'a pris de faire ce rouge et de faire la descente comme ça avec le blanc. Là, maintenant, je rajoute des paillettes, donc ça raconte encore une autre histoire. Tu raffines un peu ton maquillage. Oui. Mais aurais-tu préféré d'avoir un maquilleuse pour... Non. Non, ok. Tu veux que ce soit unique, que ça vienne de toi. C'est ton personnage, c'est le maquillage que... Je vais te dire un truc. Le temps du maquillage, c'est comme le temps de la cuisine. Ok. C'est une préparation. C'est une préparation qui apaise. Okay. Qui apaise. Oui. Tu es dans un autre état. Et tu prends soin de toi. Ok, bon, ouais. Moi, j'ai pas envie qu'on me papouille avant de monter sur scène. Voilà. Non, mais c'est très, très intéressant. As-tu la difficulté, en ce temps de scène, de redevenir Jérôme? Est-ce qu'il y a comme un double... le très battu avec toi? Est-ce que tu sens que des fois, tu es plus Monsieur K dans la vie même de tous les jours, ou si vraiment tu fais la différence entre les deux, monsieur le corps? Alors ça, je me suis posé la question, évidemment, au tout départ, mais... Monsieur K, c'est Monsieur K, Jérôme, c'est Jérôme. Parce que si tu t'es posé la question, c'est parce qu'il y avait quand même un conflit entre les deux à un moment donné. L'osmose était peut-être en train de se faire et t'as dit « Oh non, il faut faire la différence entre la scène et la vie privée. » Ou la vie tout court. Ah, c'est plus compliqué que ça. Au cabaret, c'est encore plus compliqué que ça. Au cabaret, c'est pour ça que Monsieur K est une limite pour moi, un dessin. Circonscrit. Oui. Parce que quand tu es hors scène et que les gens te parlent, est-ce qu'ils parlent à Jérôme ou est-ce qu'ils parlent à Monsieur K? Ouais. Moi, quand on m'appelle Jérôme et je suis en Monsieur K, c'est pas la même chose. Ah, ça me... Ça me choque. Ça me choque parce que c'est Jérôme, il n'est pas là. Après, à la fin, par exemple hier soir et avant-hier soir à Belleville, aux Zèbres, je vais toujours prendre du temps avec les gens, Monsieur K, ou quand dans mon cabaret au secret, je prends beaucoup de temps avec les gens. Mais t'es pas encore maquillé. Je suis encore maquillé. Arrêtez, et à un moment donné, donc je peux raconter des conneries, des choses comme ça. Quand je dis, là je vais me débarbouiller, je vais mettre la viande dans le torchon. Et je sais que des fois, il y a plein de gens qui me parlent beaucoup. J'ai dit, non, dans 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas sûr qu'on se reconnaisse. Ah oui, ok. Alors là, en ce moment, comme j'ai beaucoup de paillettes, les gens me reconnaissent parce que soit j'ai encore du vernis aux ongles, soit la tronche pailletée, mais je peux très bien passer, me fendre inaperçu, bien sûr. Mais est-ce que ton personnage va quelquefois trop loin, où tu sens que, au contraire, il n'ira jamais assez loin dans sa provocation? Je fais très attention. Moi, l'irrespect, ça me fatigue très vite. Donc, là, c'est là où il y a connexion entre Jérôme et Monsieur K. C'est quand le public est irrespectueux, que les gens se comportent mal. Je fais toujours très attention. On n'arrivait jamais à un niveau désagréable. Okay. Me perdre lentement dans la nuit, échangeant monnaie en mes désirs contre un cri, qu'il aime ce soupir annonçant le plaisir, belle jouissance qui mord, qui meurt dans un sourire. C'est une chanson cachée en dessous des orties, qui démange savamment, empoisonne l'esprit. Elle est à la fois rouge et un peu vert de gris, elle se nourrit de sang et de noire magie. Caresse de sang, doucement je pâlis, éreinté dérivant vers une tendre agonie. La douleur est une joie, un chemin vers l'oubli. Elle me rend plus vivant, je l'accueille sans un cri. C'est une chanson cachée en dessous des orties, qui démange savamment, empoisonne l'esprit. Elle est à la fois rouge et un peu vert de gris, elle se nourrit de sang et de noire magie. De clics d'éblouissantes chaînettes, mon corps se met au pas sous l'emprise de tes doigts. Et c'est bien, hélas, que jamais rien n'arrête l'enfer où je me jette, que j'appelle de mes bras. C'est une chanson cachée en dessous des orties, qui démange savamment, empoisonne l'esprit. Elle est à la fois rouge et un peu vert de gris, elle se nourrit de sang et de noire magie. Faire vraiment. maintenant et de ne plus aimer. Je veux y aller vaillant et le cœur léger. J'ai trop connu de peine et j'ai bien trop pleuré. Maintenant que mon cœur saigne sur le sourire avoué, c'est une chanson cachée en dessous des orties qui le mange savamment, empoisonne l'esprit. Elle est à voix rouge et un peu vert de gris. Elle se nourrit de sang et de noire magie. C'est moi aujourd'hui qui nettoie Févoli et qui rince vos verres. Quand on me donne un béni, faut encore que je dise merci. Je breloque dans mes loques, dans ce misérable hôtel. Et vous ne devinez pas qui je suis. Et vous ne devinez pas qui je suis. Mais voilà qu'un soir montant des cris sur le port et on dira: mais d'où viennent donc ces cris? Et on me verra sourire sans rien dire. Et on dira: pourquoi souris-tu, toi? Le trois-mâts des corsaires, 30 canons à l'arrière, mouillera dans le port. On me dit: allons, mon enfant, mais restez clair, on me tend un ou deux pénis. Je l'encoche et le lit sera fait. Et personne cette nuit ne couchera dans son lit. Vous ne saurez toujours pas qui je suis. Et vous ne saurez toujours pas qui je suis. Mais voilà qu'un soir c'est un hurlement sur le port et on dira: mais d'où vient ce hurlement? Et on me verra sourire à ma fenêtre. Et on dira: pourquoi ce rire méchant? Le trois-mâts des corsaires, 30 canons à l'arrière, canonnera le port. Oui alors, bons messieurs, tours, ils cesseront, et tous les murs de la ville s'écrouleront. Plus aucune maison, hormis un hôtel miteux, épargné par le feu. Et vous vous demanderez qui y vit. Et vous vous demanderez qui y vit. Mais voilà qu'un soir une grande clameur sur le port et on dira: cet hôtel n'est pas en flamme. Et on me verra sortir cette nuit-là. On dira: c'était donc cette femme. Le trois-mâts des corsaires, 30 canons à l'arrière, hissera son drapeau. Ce jour-là, vers midi, 100 marins débarqueront et ils avanceront dans l'ombre. Alors ils vous prendront et vous aligneront devant moi à genoux. Ils vous enchaîneront et ils me demanderont qui mettra mort. Et ils me demanderont qui mettra mort. Ce jour-là, quel silence au port quand ils me demanderont qui mettra mort. Et vous m'entendrez doucement dire: tous. Et à chaque tête qui tombe, hop là! Le trois-mâts des corsaires, 30 canons à l'arrière, m'emportera vers la vie. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. Mais ça m'arrive quelquefois. Maintenant je suis un peu plus âgé. Avant j'avais vraiment beaucoup de mal. Ok. Il m'est arrivé d'arrêter les spectacles, de dire: non, moi je pars. Pourquoi? Parce que les gens font pas la différence. Je vais te dire un truc. Au départ je travaillais avec une super pianiste, la première. Mélanie qui était métisse. Et on a fait quelques dates dans les villages, juste comme ça. Ok. À Barlieu. D'Orléans. Ok, Orléans. Et les mecs se comportaient mal parce qu'elle était, entre guillemets, négresse. Ah. Donc ça, moi, pour moi, c'est pas possible. Bah non. Il y avait du racisme. Ouais. Donc ça, toi, et non. Là, une fois, vraiment, j'ai pété un câble, je suis parti. Avec elle. Ah mais je lui dis j'arrête le spectacle. Ok. Mais en même temps... Si cet homme-là ne part pas... J'arrête. Je ne continue pas. Mais est-ce que... Il faut dire aussi que dans des cabarets, dans ces soirées-là, les gens sont alcoolisés. C'est vrai. Mais maintenant, j'ai avancé avec le temps. Donc... Tu as avancé avec le temps. Je m'en suis... irascible. Je vais te dire un truc, et ça j'en suis conscient, vraiment maintenant. Je crois que la fête, elle se fait ensemble. Je vois très bien les gens qui viennent faire la fête entre eux. Ok. Et là... Et ils troublent la fête. C'est eux qui foutent le bordel. Ouais, c'est ça, c'est les troubles. Ils sont ensemble. Et non, il y en a... Et c'est là où moi je vais les voir, je leur dis. Et coco. Mais là, t'es allié à Jérôme ou c'est... Ah, monsieur Kaké. Ah, monsieur Kaké. Et coco. Là pour faire la fête ensemble, si vous avez envie de faire la fête que vous, bah je sais pas, partez ou voilà, c'est dommage parce que on passe un moment, je pense qu'on peut passer un moment ensemble et que voilà, mais des fois il y a des attitudes des gens qui ne comprennent pas ça et qui sont déjà tellement alcoolisés, qui sont déjà tellement ailleurs, mais toi-même hier soir il y avait un mec qui était bourré qui s'est fait virer. Est-ce que c'est toi qui lui... Non, c'est pas... Moi, il m'a pas fait chier. Okay. Moi, il m'a pas fait chier. Mais même, il a été très gentil. Ce que ça a surpris tout le monde quand on en a parlé dans les coulisses. Et mais j'essaie de le ramener vers l'ensemble. J'aime bien parce que ses copains, ils tournaient le dos à chaque fois que je disais un truc pour essayer de... voilà, il faut... Il faut toujours manier, c'est compliqué parce que... C'est de la psychologie, là. C'est du social. Ah, social, effectivement. Ben oui. Puis en même temps, c'est certain que il y a des gens qui peuvent être offusqués par le propos, par ton personnage, ceux-là, je les vois. Des fois, je fais exprès d'aller les voir. Ok. Des fois, je m'y pique pas. Et après, j'ai une méthode imparable, c'est que Monsieur K n'a pas de lunettes, je ne mets pas de lentilles sur scène. Donc, en fait, ma vision du monde est relative. Oui, c'est ça, le flou. Le flou apparaît. Et c'est très bien, je m'en réjouis. Hein. Mais durant ces spectacles-là, vu qu'il y a des propos qui sont quand même assez... assez subtil, est-ce que ça peut susciter même la violence, les bagarres Non. La bêtise, oui. Voilà. Ok. Et puis tes chansons, on va revenir aux chansons. As-tu déjà un disque? Est-ce que t'as... Un quoi? As-tu fait des disques? As-tu... Il y a un disque qui existe, qui a été fait en 2008. Ok. Même 7. Sinon, ils vivent uniquement sur scène. Ouais. Là, je vais pour ma mémoire, je vais les enregistrer. Là, je suis en train d'essayer de trouver du temps pour enregistrer toutes les chansons que j'ai faites depuis 2008. Ok. Mais c'est juste pour moi. Ah, ok, tu vas pas remettre ça à des. Peut-être, en streaming, si c'est bien fait, mais. Tu puisses garder une trace de ça. Ouais. Et aussi de l'évolution de ton personnage. Puis transmettre mes chansons aussi pour ceux qui veulent les chanter. Ouais. Bah, j'adorerais, hein. Est-ce que tu prévois faire ça en 2020 Hein? Est-ce que tu prévois faire ça en 2020? Oui. Ok. À la rentrée? J'adorerais au printemps. Ah, ce sera prêt au printemps? J'adorerais le faire au printemps. Ok. Bien. En ce moment, c'est tellement la folie. Ouais. Tu veux dire dans ton agenda? Ouais. Mais comment tu... Parce que quand on s'est rencontrés tout à l'heure, tu m'as dit c'est incroyable, je travaille tout le temps, puis ça a été plus relax à la période des fêtes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a comme une vague, un intérêt soudain, mais pas soudain, mais un intérêt qui provient de... Quand je travaillais chez Madame Arthur, je travaillais tout le temps. Ouais. Ça a duré 4 ans, c'était infernal. Mais là, t'es parti parce que... Quand je suis parti, on s'est retrouvé avec pas grand-chose. Mais t'es parti parce que ça t'intéressait. Je n'en parlais pas. Ok. Je suis parti. Je me suis offert un cadeau, ma liberté. Et j'ai eu raison. Ben oui, ben oui. Ben, quand tu sens mal, il faut... C'est pas que ça s'est passé mal, c'est que... Il fallait que je parte. Ok. Tu sentais en fait que tu n'évoluais pas assez. Mais on n'en parlera pas. On va mettre un point final là-dessus. Et puis tes chansons... Je vais même être plus précis dans mon propos. Oui. Mais t'es pas obligé d'en rajouter. Oui, je vais te raconter. Depuis un an que je suis parti chez Madame Arthur, tout le monde me parle de Madame Arthur. J'ai été interviewé quelques fois. On me tire les verres du nez pour Madame Arthur. Je suis gentil, j'en parle. J'en parle même, je pense, mieux encore que mes anciennes collègues qui sont là, parce que je connais l'histoire, je sais très bien ce qui s'y est passé. Et à chaque fois, je me retrouve à ce qu'on ne parle que de Madame Arthur dans les interviews ou dans les articles et pas de mon travail. À un moment donné, moi, je ne travaille plus chez Madame Arthur, je n'ai pas envie d'en parler, je n'y suis plus et je crois que ce que je fais actuellement est beaucoup plus intéressant que ce qui se passe chez Madame Arthur. Avec tout le respect et la délicatesse que je peux avoir pour la direction de chez Madame Arthur, avec qui je m'entends très bien. Mais juste à un moment donné, je ne vois pas pourquoi je parlerai de Madame Arthur. Voilà. Et donc je mets un point d'honneur à ne plus parler de Madame Arthur parce que c'est... J'en parle parce que c'est important, mais le contenu en soi, on me donne mon avis. J'ai passé une audition la semaine dernière, il y a 2 semaines, on me dit « Madame Arthur, je n'y suis plus. Ouais. » Est-ce que tes chansons, écris-tu beaucoup ou tu laisses le matériel que tu as écrit prendre forme sur scène? J'ai travaillé avec une amie pendant quelques années qui m'a coaché sur Monsieur K. Qu'est-ce que tu veux dire par coacher? Elle voulait tirer... Coach scénique. Ok, ouais. Qui m'a réconforté dans la fluidité de mon corps sur scène. C'était pas évident. Monsieur K est assez libre. Là, sur la scène du cabaret de poussière, parce que les musiciens sont exceptionnels, qui te portent, qui a une énergie, je fais des trucs que j'ai jamais fait avec Monsieur K. Je danse beaucoup. Alors que j'ai des ampoules aux pieds, alors que mes talons, il faut dire, les faire réparer là chez les coussinets, parce que mes talons, j'ai l'impression d'avoir des fers, des fers rouges. Mais pourtant, ça exalte, ça exulte. Oui. Ça transcende. Donc en fait, je sais où je vais, mais à chaque fois c'est nouveau. J'ai pas de système de scène. J'ai pas de combine. Laisses-tu la place beaucoup à l'improvisation? Tout est calculé? Non. Je suis un instinctif. Je me suis vraiment pris la tête pendant des années en me disant c'est pas bien. Non. C'est très bien, je suis instinctif. Et ça fonctionne et mon instinct est très bon. Parce que si on va voir ton spectacle 4 fois, c'est 4 moments différents, c'est 4 spectacles différents. Mmh. Et aussi pour la simple raison, c'est que c'est déjà pas le même public. Berlin, I must leave you soon. forget me, was I ever real? Find me a bar on the cobblestone street. Where's the bars I've been to? I cannot love for more than one day, but one day is enough. Discorde les premiers duels. La l'amitié disparue. Voici un homme cruel, le chapeau se déplume, le violon se chamaille. La galerie des villas est un champ de bataille. Malgré le sang versé, a fait connaître dans les ruines fumantes du château démodé. La comtesse n'a plus que ses yeux pour pleurer. Et... chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. L'âme humaine rosit souvent d'excitation à la vue de la noirceur ou de la saleté. Nous allons encore le démontrer ce soir avec une chanson d'amour d'un romantisme épatant. Voici pour vous « Je suis la femme du boucher » J'aime sa grande bobine. Le soir, quand il vient se coucher, il fleure bon l'hémoglobine. Je lèche sur ses grandes mains le reste de son bel ouvrage et reste jusqu'au lendemain à caresser son outillage. Je suis sa chose, il est mon roi. Je prends la peau, je suis sa proie. Et dès qu'il pose ses doigts sur moi, je deviens rose, il devient droit. Mes échimaux, je les lui dois. Avec sa chose, il est adroit. Quand il revient à la casse-bas et que je suis à la vaisselle, je lui dis, ouvre grand tes bras, j'aime l'odeur de tes aisselles. Et quand je vais laver son linge, l'odeur de sueur et de viande ensorcelle mes ménages, bien plus qu'une odeur de lavande. Je suis sa chose, il est mon roi. Je prends la peau, je suis sa proie. Et dès qu'il pose ses doigts sur moi, je deviens rose, il devient droit. Mes équipements, je les lui dois. Avec sa chose, il est adroit. Suspendu dans la chambre froide, je m'apprête au plus grand des supplices, sentant venir la verge roide qui me donne tant de délices. Et ficelé comme un gigot, il enfonce dans mes entrailles, à tirelire l'arigot, deux ou trois belles têtes d'ail. Aïe, aïe, aïe, je suis sa chose, il est mon roi. Je prends la peau, je suis sa proie. Avec sa chose, il est adroit. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand il glisse entre mes cuisses avec une lenteur extrême, le bout du hachoir à saucisse. Sa méchante frimousse glabre crache sur moi de tout son jus,

charrie la joie. Les femmes sont jolies quand elles ne parlent pas. Chut. La foule a déserté, le banquier dévasté. On a aimé le bœuf, le saumon détesté. Fidèles au rendez-vous, messieurs les picassiettes, ont gardé le meilleur pour eux, pour vous les miettes. Il est bientôt minuit, la fête bat son plein. La discorde et les premiers duels. L'amitié a disparu, voici un mot cruel. Le chapeau se déplume, le violon se chamaille. La galerie des glaces est un champ de bataille. Malgré le sang versé, a fait connaître dans les ruines fumantes du château démodé. La comtesse n'a plus que ses yeux pour pleurer. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.